Appelle-moi Staline, le star au boutique. J'installerai mon raid, toutes vos stars vont faire mes boutiques. Nous on assure, passionné comme Mouloud Achour. Le move est taché, je ramène du lourd pour vous absoudre. J'ai des absences, mais je sais ce que les miens veulent. S'envoler comme des étoiles dans l'œil d'un aveugle. Et si t'es pas content, je me laisserai pas faire. Critique c'est pas à faire, de mépris j'ai pas que ça à faire. Gère ma passion, garde la tête hors de l'eau. La tête haute, j'suis peut-être beau, j'm'en sortirai hors des halls. J'ai le sang chaud, j'ai pas fait les nannies Sciences Po. Et quand je me bouge le cul, c'est pas sur du Sean Paul. Prends pas le seum bro, j'suis venu improviser. M'introniser, alcoolisé à la chum bro. Seul j'rôde, dans Panama qui dead. J'rédite bang, c'est pire que Walking Dead. Ma passion est faite de peine et de douleur. Avec le temps, elle risque de perdre quelques couleurs. Elle peut te foutre en transe, elle est outrageante. Mais c'est ma passion, même s'il y a pas de sous à prendre. Ma passion est faite de peine et de douleur. Avec le temps, elle risque de perdre quelques couleurs. Elle peut te foutre en transe, elle est outrageante. Mais c'est ma passion, même s'il y a pas de sous à prendre. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Ma cité devait craquer, elle s'est fait endocriner. On a beau prier, crier, la vie nous bastonne. A trop trimé, on a tourné mal, que Dieu nous pardonne. Galère, chômage, pas d'album tous les 6 mois. Carrière choua chez moi, c'est comme parler chinois. Le pire m'effleure, à tenir ma route, je perds mes forces. La vie est dure, mes pleurs s'assèchent, mon cœur s'écorche. L'instru est bonne, mais il manque un truc. On s'entend plus, toujours une galère qui tape la cruste. Trop de face à tu, la thune ne fera pas terre. En bas ça tire, si tu fais la pute on fera pas terre. Ça peut ne pas plaire, pour juger qui sont-ils. Kiffe mon style, j'impose mon règne comme Kim Jong-il. Suis-je maudit, puis-je m'en sortir si je m'oblige. D'après ce qu'ils m'ont dit, ma passion serait inaudible. Ma passion est faite de peine et de douleur. Avec le temps, elle risque de perdre quelques couleurs. Elle peut te foutre en transe, est outrageante. Mais c'est ma passion, même s'il y a pas de sous à prendre. Ma passion est faite de peine et de douleur. Avec le temps, elle risque de perdre quelques couleurs. Elle peut te foutre en transe, est outrageante. Mais c'est ma passion, même s'il y a pas de sous à prendre. J'suis fait pour régner, t'es bâti pour le carnaval. J'impose ma dictature comme ta dis Camara. J'arrive Zahama, défoncé aux Zahamal. C'est Zahaman, encore un album dans les Zahanal. Ça s'habille chez Zahara, tapine comme Zahaya. Une fille bien, c'est rare comme une oasis au Sahara. À ce qui paraît, j'parais jeune comme Faharel. Tant mieux, car accomplir, j'ai un tas à drève. Crie pas à l'aide, c'est dur mais c'est pas la guerre. Tu fais pas le poids comme Ekini face à Balaguer. J'ai dans mon univers, c'est le voyage de Gulliver. Les tubes qui viennent m'aident à plus qu'à être Gulliver. Je veux qu'on m'libère comme un détenu en QHS. Vu la suite, faut plus de médisance, faut que tu m'achèves. Assez de pilules, pas trop mettre contre la crise. Tous plus nuls les uns que les autres, à quoi bon qu'on se fatigue. Ma passion est faite de peine et de douleur. Avec le temps, elle risque de perdre quelques couleurs. Elle peut te foutre en transe, est outrageante. Mais c'est ma passion, même s'il n'y a pas de sous à prendre. Ma passion est faite de peine et de douleur. Avec le temps, elle risque de perdre quelques couleurs. Elle peut te foutre en transe, est outrageante. Mais c'est ma passion, même s'il n'y a pas de sous à prendre.